بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Continue inshallah le cours sur les fawaid tirés de surat Yusuf alayhi salatu wassalam. Comme on a vu dans les cours d'avant, après que ses frères aient jeté Yusuf dans le puits alors qu'il était petit, et une caravane est passée. On dit de cette caravane que c'était des Arabes qui passaient par là, c'était des marchands, et ils ont, en allant chercher de l'eau, ils ont envoyé le porteur d'eau, le chercheur d'eau, qui a récupéré Youssouf, qui se trouvait dans ce puits. Donc on voit bien que Youssouf, alayhi salatu wassalam, étant petit, a été sorti par un homme, bi'idhnillahi ta'ala, par la permission d'Allah. Ça, c'est pour corriger une histoire que certains min ahl soufiyya ramènent en disant d'un homme, puisqu'ils sont dans l'exagération al-roulou, hein, ils sont dans l'exagération en disant qu'un homme était tombé une fois dans un puits, et cet homme-là, il s'est dit, tiens, je vais crier à l'aide, comme ça les gens viendront me chercher. Et au moment où il allait crier à l'aide, on dit que le shaitan est venu le voir et lui a dit, ah, si tu cries à l'aide, ça veut dire que tu n'as pas tawakkul Allah, que tu n'as pas confiance en Allah. Alors il s'est dit, ouais, c'est vrai ça, si je crie à l'aide, ça veut dire que je n'ai pas confiance en Allah, je vais attendre. Il s'est dit, je vais avoir confiance en Allah. Et il a attendu jusqu'à ce que, min qawlihim, selon ce qu'eux racontent, une main géante, elle serait entrée dans le puits et elle l'aurait sortie. Wa Yusuf alayhi salatu wassalam, wa Nabi Allah azza wa jal, un prophète d'Allah, c'est qui le sort du puits? Un chercheur d'eau. Ça, c'est des khurafats, c'est des histoires, c'est des légendes, des histoires magiques. C'est des mensonges qu'on essaie de faire croire. Hein, on fait da'wah avec des mensonges. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a menti dans sa da'wah? Il n'a jamais menti. Jusqu'à ce qu'on nous dit, tu as le droit de mentir quand il y a une maslaha. Quand il y a un bien, tu as le droit de mentir dans la da'wah. Non, ça c'est pas permis. Le mensonge, min al-kaba'ir, c'est parmi les grands péchés. Alors pour faire ce qui est le haq, pour faire da'wah, pour appeler les gens à la religion, on va mentir. Là, mahab. Ça, c'est des khurafats, c'est des histoires que As-Soufiya ramène, hein, des légendes, etc., etc. Cela ne fait pas partie de la da'wah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui n'est pas da'wah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne le sera pas hatta taqum as-sa'a, jusqu'à ce que l'heure arrive. La da'wah, c'est une ibadah. Ta ibadah, elle doit être faite pour Allah, et conformément à la da'wah du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc si tu ne fais pas de da'wah comme le prophète, sallam, tu n'auras pas les résultats qu'a eu le prophète, sallam. Le fait de mentir dans la da'wah, ça c'est parce qu'on veut ramasser beaucoup de gens. On veut ramasser le nombre. Or le nombre, il importe peu. Comme on l'a vu déjà dans Surat Yusuf, pour faire une petite révision de la semaine dernière, on a bien vu que, hein, qu'est-ce qu'ils disaient les frères de Yusuf, comment ils peuvent préférer notre frère à nous alors que nous on est une jama'a à un groupe. Or ce n'est pas le groupe qui fait la vérité. Ce n'est pas le groupe, ce n'est pas la masse qui fait la vérité. Ce n'est pas parce que tous les gens vont dans ce sens-là que ce chemin-là, c'est la vérité. La preuve, c'est que la majorité des gens de l'enfer, la majorité des gens vont en enfer. La majorité des femmes vont en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, quand il a vu l'enfer, il a dit, ce que j'ai vu le plus en enfer, ce sont An-Nisa, ce sont les femmes qui peuplaient le plus Al-Jahannam, wal-a'yadhu billah. La majorité des gens rentrent en enfer et pas au paradis. Yawm al-Qiyamah viendra un prophète tout seul. Chaque prophète vient avec sa communauté qui l'a écouté. Il y a un prophète qui viendra tout seul. Un viendra avec trois. Un viendra avec un nombre entre 3 et 9. Un viendra avec beaucoup. Mais celui qui est venu tout seul, personne ne l'a écouté. Pourtant, c'est un prophète. Donc, il est dans la vérité. Donc, ce n'est pas le nombre qui est dans la vérité. Ça, cette règle-là, il faut l'enlever de ta tête. Ne crois pas que parce que tout le monde dit ça, ou parce que tout le monde croit ça, ou parce que tout le monde fait ça, que c'est ça la vérité. Non, la vérité, elle est dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, il a été vendu. Yusuf alayhi salat wa sallam a été vendu. Et c'est un gouverneur égyptien qui l'a accueilli. Et le fait que c'était un garçon, il était content car il s'est dit qu'il va pouvoir en faire quelqu'un qui travaillera pour lui et quelqu'un qui sera fort. Hein, un homme. Parce qu'il est connu que Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa ar-rijal bil-quwwa. Il a créé l'homme avec une des caractéristiques de l'homme. C'est quoi? C'est le quwwa. C'est la force. Hein, la force d'un homme n'est pas semblable à la force d'une femme. L'homme a des choses que la femme n'a pas comme la femme a des choses que l'homme n'a pas. Et il est connu que le quwwa, c'est qui l'a détient, c'est l'homme. Ou bien tout simplement pour l'adopter. Tayyib. Alors ce vizir, wa qala Allahu jalla wa ala, ataynahu hukman wa ilma. Nous lui avons donné la sagesse et la science. Yani, ja'alnahu nabiyyan rasoulan. Ja'alnahu nabiyyan rasoulan. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a mentionné au sujet de Yusuf, nous lui avons donné la sagesse et la science, c'est-à-dire que nous en avons fait un prophète et messager. Wa aliman. Et nous en avons fait quoi? Hein? Un savant. Yusuf alayhi salatu wassalam. كل الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام هم علماء بلا شك يرحمك الله. Tous les prophètes et les messagers sont des savants. Est-ce que tout savant est prophète et messager? Non. Hein? Mais tout prophète et messager est alim. C'est un savant. Il n'y a pas de doute là-dessus. والعلماء ورثة الأنبياء. Et les savants sont, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les héritiers des prophètes. Ils ont hérité de leur science. Lakin, hal kullu al-ulama, hal kullu alim min warathati al-anbiya. Mais est-ce que tout savant est héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-jawab? Non. Kima qala Cheikh al-Uthaymin rahmatullah alayh, les savants, comme il a dit les savants qui sont héritiers des prophètes, ce n'est pas tout savant qui est héritier d'un prophète. Les savants qui sont héritiers des prophètes, c'est ceux qui ont l'ilm wal amal bi wal fahm as-sahih. Ce sont les savants qui ont la bonne compréhension de la science et qui appliquent cette science. Et qui appliquent cette science. Ce n'est pas tout savant qui est héritier d'un prophète. Hein, tout prophète est savant, ce n'est pas tout savant qui est prophète. Et parmi les héritiers des prophètes, il y a les savants, et ce n'est pas tout savant qui est héritier d'un prophète. Est héritier d'un prophète un savant qui a la bonne compréhension. Bifam salaf, bifam sahaba, radiallahu anhum, bifam nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a une science, mais il a une compréhension qui est convenable par rapport à cette science. Wa ya'malu bi. Et il applique cette science. Celui-ci, c'est un savant héritier des prophètes, alayhi salat wa salam. Quant au savant qui n'applique pas cette science, ou bien qui a une compréhension qui est hors du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, celui-ci ne fait pas partie des héritiers des prophètes. Hatta qala ba'du ahli al-ilm, al-ulama, al-ulama min ahli al-sunnah, لأن العلماء من أهل البدع ليسوا بعلماء. قال بعض العلماء من أهل السنة. Jusqu'à ce que certains savants ils ont mentionné, quand on parle de savants, on parle des savants de la sunna. Car les savants qui sont des gens de l'innovation, ce ne sont pas des savants. Pourquoi? Parce que quand on dit al-alim, le savant, c'est quelqu'un qui a la science, mais qui forcément applique cette science. Et qui a forcément la bonne compréhension de cette science. Puis vient cet épisode que tout le monde connaît, que l'on va rappeler, à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Selon le sens des versets, or celle-ci, que l'on appelle Zulikha, qui était la femme du vizir, qu'il avait reçue dans sa maison, essaya de le séduire, et elle ferma bien les portes, et dit, hein, elle a fermé les portes derrière elle, pour se retrouver tout seul avec Youssouf, alayhi salat wa salam, puisque ça y est, il avait grandi, il était un rajoul, il était un homme. Et on sait que la prophétie, la révélation, en général atteint un prophète à l'âge de 40 ans. Hein? C'est la maturité de l'homme, 40 ans. Comme l'a rapporté Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Elle ferma bien les portes et dit, viens, je suis prête pour toi. Yani, je suis à toi. Et il dit, qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Et elle le désira. Et il l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte. Et elle lui déchira sa tunique par derrière. C'est-à-dire que Youssouf, à ce moment-là, il part, il se sauve. Pour éviter le péché, il court. Mais elle lui court après, elle lui déchire en l'attrapant. Elle lui déchire le qamis par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Et elle dit, quelle serait la punition de quiconque a voulu du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux? Youssouf dit, alayhi salat wa salam, c'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna, si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui a menti. Tandis qu'il est du nombre des véridiques. Puis quand le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit, c'est bien de votre ruse de femme, vos ruses sont vraiment énormes. Youssouf ne pense plus à cela, et toi, là il s'adresse à son épouse, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Tayyib. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce passage comme fawa'id? Il faut savoir une chose ici, c'est que Youssouf, alayhi salat wa salam, cette épreuve-là est plus dure que l'épreuve de ses frères qui l'ont jeté dans le puits. L'imad. Lorsqu'on l'a jeté dans le puits, il était petit, une fois qu'il est dans le puits, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne peut rien faire, il ne lui reste plus qu'à patienter, il n'est capable de rien. Illa bi'idhnillahi ta'ala. Alors que là, l'épreuve de cette femme-là qui vient pour le séduire, et on connaît la valeur de la beauté de Youssouf, alayhi salat wa salam. C'est que là, il est dans un choix. Il a le choix. Il peut faire. Ou il patiente et il ne tombe pas dans la fornication avec cette femme-là. Ou bien, il ne patiente pas et c'est sa nefs qui prend le dessus et il tombe dans le péché. Donc une épreuve où la personne, elle est capable de faire le péché, mais elle l'abandonnera, cette épreuve-là est plus grande qu'une épreuve où tu ne peux rien faire. Mathalan, un homme, Allah tabaraka wa ta'ala reprend l'âme de son épouse ou de sa mère. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? et il ne peut rien faire. Il lui reste plus qu'à patienter et faire beaucoup de dua pour le défunt et pour lui et sa famille. Il ne peut rien faire. Alors il patiente et il attend. Alors que si une femme vient pour le séduire, là il peut faire quelque chose. Il peut commettre le péché. Donc cette épreuve-là est plus dure. Pourquoi ? Parce que la nefs peut se libérer. Ittiba al-hawa. Il peut suivre sa passion à ce moment-là. Donc cette épreuve-là qui a touché Youssouf alayhi salatu wassalam, a'zam, elle est plus grande que l'épreuve de ses frères qui l'ont jeté dans le puits. Et là, il se retrouve enfermé seul avec une femme. Et ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Lorsqu'il a mentionné un homme tout seul avec une femme, ثالثهما الشيطان. Un homme tout seul avec une femme, le troisième c'est qui ? C'est le diable. Comme a dit le Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, les gens, quand tu leur dis ça, ils te disent, mais non, il n'y a rien, t'inquiète pas, moi j'ai pas de wes-wes. Peut-être que toi t'en as pas, mais peut-être que la femme qui est avec toi, elle en a. Elle a peut-être un but comme Youssouf. Youssouf, lui aussi, il n'avait rien. Il a voulu échapper à ça. Mais cette femme-là, elle avait un but. C'est de commettre le péché avec Youssouf, alayhi salatu wassalam. Elle avait bien un but. C'est de commettre la fornication avec un prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam. Or, les gens te disent, non, il n'y a rien, t'inquiète pas, c'est pas grave, il n'y a pas de waswas. Mais comme il a répondu, Cheikh Ibn al-Uthaymeen rahmallah, à ce genre de paroles, quel bien voulez-vous qu'il y ait entre un homme et une femme dont le troisième est le diable, Shaitan. Quel bien voulez-vous qu'il y ait lorsque deux personnes sont tout seules, que le troisième est qui? Shaitan. Subhanallah. Et après les gens s'étonnent d'être tombés dans le péché. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taqarrabu az-zina. N'approchez pas. Il n'a pas dit ne faites pas zina, la fornication. Non, il a dit n'approchez pas la fornication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire éloigne-toi de toutes les causes qui peuvent te faire tomber là-dedans. Les causes, elles sont nombreuses. Premièrement, écoutez. Écoutez une voix séduisante. Regardez. Le regard. Le regard, il est comme une flèche dans le cœur. Celui qui voit une belle femme, tout de suite il peut être séduit. S'il n'aurait pas regardé, il n'y aurait eu rien. Et pourtant, du regard, tout a commencé. Allez dans les lieux où il y a l'irtilat, ou an-nisa, dans des lieux où il y a des femmes qui sont dévêtues et autres, ou li'adhu billah. Parlez avec une femme qui était interdite. Certains, ça a commencé en parlant. Que ce soit parler en direct, parler au téléphone, ou parler en écrivant, internet. Il n'y a aucune différence dans ces trois-là. Les trois sont interdits. De parler avec une femme qui était étrangère, illa bid-darura, sauf par cas de nécessité. Quelquefois, tu as des papiers à faire, tu as des choses. Ah là là, ça, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Mais de parler avec une femme comme ça pour la séduire ou autre, wali'adhu billah, hadhihi ma'siya, ça c'est un péché d'Allah subhanahu wa ta'ala, un péché envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le toucher, wali'adhu billah. Si tu avais coupé depuis le début, tu ne serais pas arrivé à la finalité qui est quoi? Az-zina, la fornication. Or, Shaitan, c'est comme ça qu'il fait. Il fait étape par étape. Il y a un enclos, tu n'as pas le droit de rentrer. Il y a une limite. Ne dépasse pas cette limite. Alors, Shaitan, il va te dire quoi? Rapproche-toi un petit peu. Juste, tu te rapproches un peu. Tu vois à quoi ça ressemble. Et tu te rapproches petit à petit. Pendant un laps de temps. Puis, deuxième étape. Fais voir la porte comment elle est de l'enclos, là. Chouïa, chouïa. Petit à petit. Juste, ouvre, tu regardes et tu refermes. Il ouvre. Il regarde, il referme. Mais c'est trop tentant ce qu'il y a derrière. Alors il ouvre et il rentre, et il referme derrière lui. Wal'iyadhu billah. Puis il se trouve dans le péché. Et il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui enlève son âme à ce moment-là. Wali'adhu billah. Walihadha al-muslim, yashkurullaha tabaraka wa ta'ala. Le musulman, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant, qu'Allah azza wa jalla ne lui ait pas enlevé son âme pendant un péché. Rien que pour ça, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, après avoir commis le péché, on espère que tu vas te repentir. Celui qui a eu l'occasion de se repentir, qu'il remercie Allah azza wa jalla pour cette grande ni'ma. Thalithan, il a reconnu que c'était une marsiya, un péché. C'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala que de reconnaître que tu as fait un péché. Et que tu n'as pas cru que c'était bien ce que tu faisais. Parce qu'il y a des gens qui arriveront au Yawm al-Qiyamah qui croiront avoir fait le bien. Or ce qu'ils faisaient était péché et était interdit. Et ils croient venir avec beaucoup de hasanat, mais ce jour-là ils n'ont rien du tout. Et qu'y a-t-il de pire que celui qui croit qu'il a fait le bien alors qu'il n'a fait que le mal? Tayyib. Elle a fermé la porte. Et comme il est mentionné dans le tafsir Ibn Kathir, rahimallah, elle s'est mise sous sa plus belle apparence. Et il est connu que la femme de ce chef-là était connue pour sa beauté. Alors elle s'est mise sous sa meilleure apparence pour pouvoir le séduire. Elle a fermé les portes derrière elle pour se retrouver en tête à tête. Celui qui lui a insufflé cette idée, il n'y en a qu'un, Shaytan. Donc Shaytan fait le contraire que ce que le prophète sallam a interdit. Le prophète a interdit à un homme et une femme qu'il reste seul. Lui, Shaytan a ordonné à cette femme-là qu'elle reste seule avec cet homme-là. L'ax. Allah tabaraka wa ta'ala a interdit, a ordonné le tawhid. Et bien Shaytan, il ordonne à l'inverse. À quoi? À shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit al-kufr wa al-nifaq, la mécréance et l'hypocrisie. Shaitan a ordonné la mécréance, ukfur. Comme dans le Coran, il dit quoi? Ukfur, mécrois. Bien sûr, la personne ne va pas mécroire d'un coup, c'est petit à petit, par étape. Comme l'hypocrisie, il y tombera petit à petit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, s'il l'interdit, c'est qu'Allah azza wa jalla l'a interdit, al-bid'a. Le diable ordonne l'inverse, de faire la bid'a et de délaisser la sunna, etc., etc. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, le diable ordonne l'inverse. Tayyib. Là, elle lui dit, je suis à toi. Yusuf, alayhi salatu wassalam, ou un Nabiullah, azza wa jal, il se retrouve devant deux choix. Ou il tombe dans le péché, ou il échappe à cela. Lakin, alhamdulillah, qala ma'ad Allah, yani a'udhu billah. هذا هو الموحد devant un péché qu'est-ce qu'il fait الموحد يستعيذ بالله عز وجل قال اعوذ بالله la première réaction يذكر الله عز وجل pour dire اعوذ بالله c'est qu'il s'est souvenu d'Allah un cœur devant le péché comme ça le péché il est ouvert il est devant lui puisque cette femme là elle est devant lui hein tout est devant lui. La porte est fermée, mais lui c'est un mouahid, c'est un prophète d'Allah. Il connaît Allah tabaraka wa ta'ala mieux que les gens. La première réaction c'est quoi? Al-isti'adha billahi subhanahu wa ta'ala. Al-isti'adha billahi subhanahu wa ta'ala. La recherche du refuge auprès d'Allah. La recherche du secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala a'udhu billah. Je cherche refuge auprès d'Allah. La première parole, elle sort comme ça, parce qu'il y a quoi dans le cœur? At-tawhid. Ma'rifatullahi azza wa jal. Parce qu'il a la connaissance d'Allah. Et ça, Ce prophète-là, il se rappelle d'Allah jour et nuit, à chaque instant. Voilà ce qui lui permet que, devant un tel péché, tout de suite, al-isti'adha billahi subhanahu wa ta'ala, il cherche refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parce que le cœur, il a quoi? Il contient quoi? At-tuhid, cette connaissance d'Allah, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un danger, il y a un danger pour moi, pour ma nefs, pour mon corps et pour ma religion. Et en premier pour ma religion. Tout de suite, il recherche refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici, comment ça se passe? C'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à un sahabi, c'est quoi le plus grand des versets? Il a répondu tout de suite, ayat al-kursi. Qala Allah wa rasuluhu a'lam, thumma qala ayat al-kursi. Ça, comme disent les ulama, regarde ce sahabi comment il a fait. Parce que nous, on voit, on lit le hadith comme ça, tout de suite, il sort ayat al-kursi. Mais regarde comment ça fonctionne. Regarde l'aqida, l'aqida du salaf, l'aqida du tawhid, comment elle est ancrée dans leur cœur. Lui s'est dit, forcément, le meilleur des versets, c'est forcément un verset qui parle d'Allah. C'est forcément un verset qui contient at-tawhid, la ilaha illallah. Donc déjà, il a réuni tous les versets. Et de tous les versets, il mentionne que celui, le verset qui parle le mieux d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur l'unicité d'Allah, wal asma'i wa sifat, c'est ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Comme il a mentionné Cheikh Abdul Azim, rahmallah, on trouve dedans 25 attributs d'Allah. Pour celui qui veut chercher, il cherche. Il les a fi shar al-aqidat al-wasitiyya de Cheikh Abdul Azim. 25 attributs d'Allah dans ce verset, ayat al-kursi. Regarde le sahabi, comment son tawhid, il le fait fonctionner dans sa recherche. Il y a le Coran, dans le Coran, Allah il parle de lui, Allah il parle de ses prophètes, Allah il parle de sa création. Il parle sur le mushrikin, ou al-kuffar, ou al-fasiqin, kada ou kada. Donc forcément, c'est un verset qui parle du créateur et pas de la créature. Wa li hadha qala ba'du salaf, kalamullah ala Allah, afdalu min kalamillah ala ghayrillah. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs le disaient, la parole d'Allah sur Allah est meilleure que la parole d'Allah sur un autre qu'Allah. C'est-à-dire que les versets où Allah Azza wa Jal parle de lui-même sont meilleurs que les versets où Allah parle de sa création. Qul huwa Allahu ahad. Ce verset-là, il parle d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'unicité d'Allah, c'est meilleur qu'un verset qui parlerait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de Sahaba, ou bien de Firaoun, ou Ghayrou. Donc lui, il réfléchit comme ça. Voilà, ça montre le tawhid, comment il est ancré dans le cœur de ces gens-là. Il répond tout de suite, ayat al-kursi. Je ne vois pas d'autres versets. Ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ça commence par quoi, le tawhid? Wa Yusuf alayhi salatu wa salam. Il se trouve devant quelle situation? At-ta'a ou al-ma'siyah. Mais comme c'est un mouahid, tout de suite, pour arriver à l'obéissance d'Allah et pour délaisser cette désobéissance, tout seul, j'y arriverai pas. Estaizu billahi azza wa jal. Alors tout de suite, a'udhu billah. Je cherche refuge auprès d'Allah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. On avait expliqué, la hawla, tu ne peux être dans l'obéissance d'Allah que par la force d'Allah. Tu veux faire l'ibadat, tu veux jeûner, tu veux prier, tu veux jeûner, tu veux faire le hajj, tu veux aller à un cours, tu veux faire ta prière, tu as besoin qu'Allah Azza wa Jal te donne la force de faire ça. Et si Allah Tabaraka wa Ta'ala ne te donne pas la force de faire ça, tu ne pourras pas y arriver. La hawla. Wa la quwwata, tu ne pourras t'éloigner des péchés d'Allah que si Allah Tabaraka wa Ta'ala t'en donne la puissance. Et c'est plus fort. Il est plus facile de faire une ibadat que de délaisser un péché. Que de délaisser un péché. Youssouf, il est dans ce cas-là. Ou il dit non. Ou il dit oui. Mais il sait que tout seul, il ne peut y arriver. Alors tout de suite, il demande l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis arrive à ce moment-là, le mari de cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle dit? Tout de suite, que mériterait un homme qui a essayé de séduire ton épouse? هذا الدليل, ça c'est une preuve que بين الزوج والزوجة الحسد. Entre l'homme et la femme, il doit y avoir la jalousie. Un homme doit être jaloux lorsque quelqu'un essaie de séduire ou de parler avec sa femme. والعكس بالعكس. Et une femme doit être jalouse pour son mari. الحسد. Tout de suite, qu'est-ce qu'elle lui dit? Regarde, il a voulu me séduire. Cet homme-là, est-ce qu'il ne mériterait pas ou bien la prison ou bien العذاب العليم, un châtiment dur? Elle joue sur quoi? Elle joue sur le hasad, sur la jalousie de son mari. Mais Allah tabaraka wa ta'ala ruse avec les ruseurs. Son mari lui-même reconnaît qu'elle essaye de ruser. An-Nisa, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith, lorsqu'il parle à une jama'a d'An-Nisa, une jama'a d'An-Nisa, il leur dit, il n'y a pas quelqu'un comme vous qui fait perdre la raison à un homme. Sahih. Min as-salaf, ahadu min as-salaf, un parmi les pieux prédécesseurs à l'époque, il marchait comme ça avec des gens d'Ahl-Sunnah, puis il a vu une femme, très très belle. Pour lui, elle était très très belle. Et lorsqu'il l'a vue, il a dit, je vais me marier avec elle. Ils lui ont dit, fais attention. Hiya min al-khawarij. Elle fait partie d'al-khawarij. Jama'at al-khawarij. Fais attention. Il lui a dit, vous inquiétez pas, je vais la ramener à la sunnah. Puis le temps est passé, il s'est marié avec elle. Puis le temps est passé, le temps est passé. Il en est arrivé à combattre les gens de la sunnah et à se retrouver parmi al-khawarij. Ma indaha al-quwwa. Mais elle ruse. Elle l'a eu avec ça, avec sa beauté. Celui qui veut se marier avec une femme très très belle, qu'il fasse attention. Ça, les ulama le disent. Même Ibn al-Qayyim, rahimallah, il en parlait. Attention de ne pas te laisser berner et aveugler. Par quoi? Par la beauté de ton épouse. Parce qu'elle va se permettre des interdits, tu diras rien, tout ça pourquoi? Parce qu'avec un clin d'œil, comme on dit, elle t'aura endormi. Par sa beauté. Par sa beauté, elle va réussir à l'enduire en erreur ou à le ramener dans le chemin qu'elle souhaite. Mais ici, ce responsable, ce chef égyptien, a la clairvoyance. Il connaît Youssouf et il connaît les qualités de Youssouf. Or, il est juste. Il dit là, c'est bien une ruse des femmes que vous utilisez. Wada ma'rouf. Combien il y a d'histoires, combien on trouve des histoires, même à l'époque contemporaine, où combien de femmes ont essayé d'user de quoi? De leur beauté. Il y avait un savant qui vivait, et la maison d'à côté, sa voisine, c'était une femme extrêmement belle. Si tu questionnais tout le monde avec qui tu veux te marier, tout le monde disait avec celle-ci, parce qu'elle était connue pour sa beauté. Ce savant, il était chez lui, et un jour, ça tape à la porte. Ce savant-là, avant d'être dans l'ilm shar'i, il était très très fort en maths, mathématiques. Les mathématiques, c'était son truc. Jusqu'à ce qu'il rentre dans l'ilm shar'i. C'est devenu un savant, alhamdulillah, ala al-kitab wa sunnah. Puis un jour, ça tape à sa porte, il ouvre et voit cette femme-là. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? T'as besoin de quelque chose? Lui, il croyait qu'il y avait une urgence ou quoi que ce soit. Puis elle est rentrée, elle a fermé la porte, et elle a ouvert son vêtement, elle lui a dit, je suis à toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Yathak, il rigole à ce moment-là. Il baisse les yeux, il dit A'udhu Billah, il rigole. Elle lui a dit, mais comment ça tu rigoles? Je viens, je suis connu dans tout le village, ce que tu veux, pour ma beauté, toi tu viens, je me présente à toi et tu rigoles. Il lui dit, tu crois franchement, parce que lui il était dans les maths, c'est pour ça qu'on a bien ramené qu'il était dans les mathématiques. Tu crois franchement que je vais délaisser un paradis plus grand que les cieux et la terre pour 10 cm entre tes jambes? Thumma tarakaha. Puis il l'a délaissé, il lui a dit crains Allah. Et elle est partie. Mais elle est partie sans rien. At-taqwa. العلم والعمل به. العلم والعمل به. Il avait de la science, mais là il a appliqué la science. On peut avoir de la science et tomber dans des péchés. Lui, il a appliqué cette science. Tarakaha. Taraka zina wa li'adhu billah. Des histoires contemporaines que l'on a, il y en a beaucoup parmi celles que les savants citent. Parmi d'autres histoires, il y avait un jeune, il était timide, mais avec ses amis, il partait en voyage. Il a hésité, finalement, il est quand même parti avec eux. Et lorsqu'ils sont arrivés à un hôtel, il y avait des jeunes filles qui étaient là, et chacun commence à discuter avec une fille. Jusqu'à ce qu'une fille, elle est venue le voir. Lui, il ne voulait pas de ça. Il n'aimait pas ces choses-là. Parce qu'il n'a pas été éduqué comme ça. On l'a toujours éduqué sur le contraire. Cette femme-là, elle est venue, cette jeune femme, elle a commencé à parler, ils ont commencé à parler, à discuter, puis elle l'a pris par la main, elle l'a monté dans une chambre. Elle a commencé à enlever ses affaires. Et lui, il a dit, à ce moment-là, il a dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je savais très bien que cette chose-là, elle était haram et que c'était interdit. Et j'ai eu peur d'Allah tabaraka wa ta'ala à ce moment-là. Alors il s'est dit, je ne savais pas comment sortir, alors j'ai dit une chose. Il lui a dit, stop, stop. Il l'a reculé, il l'a fait reculer, il a dit, stop, stop. Elle lui a dit, qu'est-ce que t'as? Il lui a dit, j'ai une maladie. Il lui a dit, t'as quoi comme maladie? Il a dit, moi j'ai menti, je ne savais pas quoi dire. Il fallait que je m'en sorte et je ne savais pas quoi dire. Il lui a dit, j'ai le sida. Et elle a rigolé. Elle lui a dit, c'est tout. Il lui a dit, moi j'ai le sida et une autre maladie. Et là, il a dit, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Et il l'a délaissé. Sauf s'il serait resté dans le péché, voilà ce qu'il attendait. Parce que sache que quand tu commets un péché, Wallah tabaraka wa ta'ala te pardonne, tu es tahta mashiyatillah, tu es sous la volonté d'Allah. Wallah azza wa jal te pardonne, Wallah tabaraka wa ta'ala va te châtier. Fil dunya ou fil akhira. Voilà quoi il a échappé. Pourquoi? Il a eu peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalik parmi les histoires de salaf, un homme un jour il est rentré dans une maison, il désirait cette femme-là plus que tout. Il lui a dit, ferme les portes de la maison, toutes les portes. Puis elle a fermé les portes une par une. Il lui a dit, ferme celle-là aussi, la porte de la chambre. Puis elle a fermé la porte de la chambre. Il lui a dit, t'as fermé toutes les portes? Elle a dit, j'ai fermé toutes les portes, sauf une. Il a dit, laquelle? Al-bab bayna Allah wa baynana. La porte que j'ai laissée ouverte et que je ne peux pas fermer, c'est la porte entre Allah et nous. Et elle lui a dit, taqillah, crains Allah. Ashabul Kahf, les gens de la caverne que tout le monde connaît, où chacun a raconté son histoire afin que la caverne puisse s'ouvrir. Le deuxième, qu'est-ce qu'il disait? Il avait une cousine qu'il aimait plus que tout au monde. Puis elle lui est venue lui demander de l'argent, il lui a dit, je te donne cet argent-là, une condition, c'est que tu fasses l'acte avec moi. Et au dernier moment, il a eu peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et il l'a éloigné, il lui a dit, tiens, prends l'argent et pars. Par peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa liyada qala Allahu jalla wa ala fi kitabi, akhafu in asaitu wa rabbi azaba yawmin azim. Comme Allah azza wa jalla a dit, hein, ceux qui ont l'aqidatu sahiha, voilà devant le péché, comment ils réagissent. J'ai peur que si je désobéis à mon Seigneur, j'ai peur du châtiment du grand jour. Avant le péché. Cela n'empêche pas que celui qui tombe dans le péché, la porte du repentir reste ouverte jusqu'à son agonie de la personne ou bien jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Et ce qui a permis à Yusuf alayhi salat wa salam de ne pas tomber dans ce genre de péché, ce n'est rien d'autre que la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette crainte d'Allah, il l'a eue par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît la valeur de celui à qui il pourrait désobéir, avant même de connaître la valeur de cette désobéissance. Il connaît la valeur de celui à qui il risque de désobéir. Mais alhamdulillah, wa nabiyullahi azza wa jal. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a épargné de cette fitna. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait qu'un homme était là, était présent, un témoin. Puis il a mentionné quoi? Au vizir, à ce chef égyptien, écoute, si le qamis de Youssouf est déchiré par derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a attrapé par derrière. Ce qui signifie que si on l'attrape par derrière, pour qu'il soit déchiré, il faut que la personne aille dans l'autre sens. Lui, il allait vers la porte. Si elle l'attrape par derrière, afin qu'il revienne pour commettre le péché, elle déchire le qamis. Ça veut dire que le qamis est déchiré dans son dos. Wal-aks ou bil-aks. Si c'est elle qui s'est sauvée, hein, et lui, il a voulu aller sur elle, elle va déchirer le qamis par devant. Alhamdulillah, après avoir vérifié, c'était bien derrière. C'est bien Youssouf alayhi salatu wassalam qui a voulu partir, s'échapper, et cette femme-là, qui le désirait ardemment, a tiré le qamis par derrière et a déchiré le qamis. Allah tabaraka wa ta'ala laisse toujours l'alamat, des signes, pour montrer la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque la vérité est confrontée au batl, au faux, Allah azawajal fait toujours en sorte qu'il y ait des signes pour reconnaître la vérité. Mathan Firaun, wa Moussa, alayhi salatu wassalam. Regarde les signes que Moussa, avec quel signe il est venu devant Firaun. Et tous les signes que Firaun a ramenés sont tombés. Les sorciers ont bien vu que ce n'était pas de la sorcellerie ce qu'a fait Moussa. Ce qu'il fait lui, ce n'est pas ce qu'on fait nous. Ils ont reconnu jusqu'à ce qu'il se prosterne. Jusqu'à ce qu'il se prosterne. Quand vient la vérité, ça c'est une règle. Quand vient la vérité, le faux est appelé à partir, quoi qu'il arrive. Après c'est une question de temps, c'est tout. Moussa il n'a pas sorti les Bani Israël directement d'Égypte. Il y a eu du temps avant. Ça c'est juste le temps qu'Allah tabaraka wa ta'ala montre les signes de la vérité. Comme ça, les gens, ils n'ont pas de doute. Ils savent c'est quoi vraiment le haqq. Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsque la vérité est confrontée au faux, Allah, azawajal, met toujours des signes qui permettent de ne plus avoir de doute que la vérité, c'est bien la vérité, et que le faux, c'est le faux. Ici, il y a eu ce signe du qamis qui a été déchiré derrière, comme il y a eu d'autres signes dans les confrontations entre les prophètes et leur peuple, ou entre les gens de la vérité et les gens du batl. وقال الرجل يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف أعرضها عن هذا يعني الذي أترك الكلام فيه. Ne parle pas de ça. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit, après que ça y est, il a bien vu que c'était sa femme qui essayait de séduire Youssouf, alaykoum salam wa rahmatullah. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit, délaisse ça, n'en parle à personne. Ça c'est pour éviter une fitna, pour lui et pour tout le monde. Pour lui et pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'honneur de la famille qui est touchée. C'est sa femme qui a essayé d'aller avec un autre homme. Et ça, ça porte atteinte à l'honneur de l'homme. Un homme dont sa femme le trompe, cela porte atteinte à quoi? À son honneur. Cela porte atteinte à son honneur. Voilà pourquoi il lui dit, abandonne cette histoire-là, n'en parle pas. N'en parle à personne. Ça, c'est ce qu'il dit à Youssouf. Quant à sa femme, qu'est-ce qu'il lui dit? Demande le pardon pour ton péché. إنك كنت من الخطأ من الخاطئين. Et certes, tu as été parmi ceux qui ont commis une erreur. Donc, il dit à Youssouf, n'en parle pas et préserve l'honneur. Pourquoi? Parce qu'il est dans la vérité. Quant à sa femme qui est dans le péché, il l'appelle à se repentir et à demander le pardon. بالاستغفار والتوبة. طيب. On va s'arrêter là, inshallah. Ce sera long, mais on mettra le temps qu'il faut, inshallah. Bismillah ta'ala. Il vaut mieux, alhamdulillah, ça fait déjà 45 minutes. avec le fawaïd et court entre parenthèses, mais avec le, ce qu'il y a eu, hein, que beaucoup, beaucoup, et à la fin, on n'a rien retenu. Hein, c'est comme le Jumu'ah. Le Jumu'ah, c'est quelque chose de, où le prophète Samina a insisté pour que ce soit court, de raccourcir le Jumu'ah et d'allonger la prière. Pourquoi ? Parce que les gens ne retiennent pas tout. Et plus tu restes, moins tu vas te souvenir de tout. Alors que si le Jumu'ah, il est court, hein, l'imam il dit ce qu'il a à dire, les gens, ils repartent avec, ils ont tout retenu. Pourquoi ? Parce que c'était court. Mais il faut savoir que le khutbatul jumu'ah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était très dure. C'est-à-dire que c'était un sermon jusqu'à ce que le sahaba disait que quand il criait sur le minbar, on croyait qu'il y avait l'ennemi devant lui. Hein, et il devenait rouge et on voyait sa veine jugulaire qui gonflait. C'était court mais direct, comme on dit. On va s'arrêter là, inshallah. Bi'idhnillahi ta'ala, on continuera dimanche prochain, inshallah. Ba'd al-dhuhur, à la même heure, inshallah. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم